дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Ташкент. Salam alaikum, bienvenue à vous. Suivez le guide, vous invite à découvrir un pays d'Asie centrale, un pays sans côte. Nous sommes au cœur des pays en Stan ou Stan. Ses frontières sont avec le Turkménistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Afghanistan. Bienvenue en Ouzbékistan, dont la capitale est Tashkent. Pour s'y rendre depuis la France, vous pouvez voler avec la compagnie nationale Uzbekistan Airways ou des vols parfois moins chers via Moscou avec l'Aeroflot. Nous sommes à un peu plus de 5000 km à l'est de la France. La République d'Ouzbékistan est un pays de plus de 31 millions d'habitants. C'est une ancienne république soviétique indépendante. Tashkent, la capitale, est une métropole de près de 3 millions d'habitants qui concentre un dixième de la population ouzbek. Tout au long de son histoire, l'Ouzbékistan fut la plupart du temps dominé par les grands empires environnants, turcs, perses, grecs, arabes, mongols ou russes. Avec le Liechtenstein, l'Ouzbékistan est le seul pays au monde à être doublement enclavé. Il faut traverser les frontières d'au moins deux autres États pour avoir un accès à l'océan. Le régime est de type présidentiel, avec un président élu pour 7 ans au suffrage universel. Islam Karimov a tenu les rênes de mars 1990 jusqu'à sa mort en septembre 2016, à l'âge de 78 ans, en dépit de la Constitution, lui interdisant de briguer plus de deux mandats consécutifs. Cette série d'émissions a été enregistrée avant son décès. La République d'Ouzbékistan est divisée en 12 provinces et une république autonome, où a commencé notre voyage le Karakalpakstan. Après la première étape à Noukouch, l'extraordinaire musée Savitsky et la vision des carcasses de bateaux rouillés au bord de l'ex-mer d'Aral, nous nous sommes arrêtés à Kiva, Riva, avant de rejoindre Boukhara, au centre sud du pays, à 500 km à vol d'oiseau de la capitale Tashkent. Boukhara, une cité de près de 250 000 habitants au cœur de la route de la soie, protectorat russe depuis le milieu du 19e siècle, rattaché à la Russie bolchevique en 1920 et à la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan sous Staline. Suivez le guide en Ouzbékistan, faisons immédiatement connaissance avec notre guide à Boukhara. Assalamu alaikum, здравствуйте, bonjour. Alors si on reprend dans les différentes langues, assalamu alaikum. C'est en ouzbek. En ouzbek. En tadjik aussi, assalamu alaikum. Здравствуйте, c'est en russe, parce qu'on parle russe. Et bonjour. Bonjour, c'est en français. En français, oui, si je ne me trompe pas. Je m'appelle Mehri, je suis très contente de pouvoir présenter ma ville natale, la ville de Boukhara, qui est très connue dans le monde entier, parce que c'est une ville qui se trouvait sur les routes caravanières. Car la route de la soie, ça s'est aussi passé par cette ville, comme par Samarkand, comme par la ville de Kiva, etc. Boukhara, à l'époque, a été considérée comme la ville des commerçants. Et là, donc, vraiment, en visitant cette ville, on peut découvrir pas seulement beaucoup de mosquées, beaucoup de médersas, mais aussi pas mal de caravansérails, les marchés couverts qui témoignent que vraiment, la commerce, pendant certaines époques, marchait, bougeait très très bien chez nous. Et la ville, aussi connue comme, on dit Bukhara-e-Sharif, ça veut dire Boukhara la Sainte, Boukhara la Noble. Ah, Boukhara la Sainte, Boukhara la Noble. La noble, mmh. Oui. Commençons peut-être par situer Boukhara par rapport au pays, dans le pays. Où sommes-nous en Ouzbékistan et si Boukhara se trouve où en Ouzbékistan? En regardant la carte de l'Ouzbékistan, on se situe au sud-ouest de l'Ouzbékistan. Alors, l'Ouzbékistan est entouré de plein de pays en stan. Ouais. Tous les pays autour sont en stan. Tous les pays, oui, comme... Et le plus proche, alors ici, la frontière la plus proche, c'est laquelle? La frontière la plus proche, c'est la frontière avec Turkménistan. Parce qu'on est à 90 km avec du ville frontalière Farab. Ça, c'est une ville turkmène. Mmh. Et on se trouve à 80-90 km de cette ville. On commence notre balade où, Marli? On commence la visite par la place qui se trouve au cœur de l'ancien Boukhara, par la place qui est très connue, par la place qui est aimée, préférée par les gens locaux. C'est l'ensemble Labi House. L'Abi House, de la langue tadjik persan, on traduit comme au bord du bassin. Parce qu'au milieu de cette place, on a un grand bassin. Ouais. Voilà. Donc c'est agréable, hein, avec c'est arbres. C'est très agréable avec des arbres, comme avec des verdures. Il fait souvent très chaud ici. Oui, car il fait très très chaud. Donc les soirs, donc c'est très agréable parce que c'est comme le parc, comme le petit parc. Et il y a des jets d'eau, donc il y a beaucoup de gens locaux qui viennent pour se rafraîchir, pour viennent se balader avec leurs enfants. Donc c'est quand même magnifique. On vient boire un verre, là, le soir. Oui, un petit thé ou bien une bière, oui. Et on vient, il y a même un restaurant, on vient manger aussi. Et puisque je suis passé hier soir, et on vient se faire prendre en photo quand on va se marier. Les mariés viennent se faire prendre en photo ici. Oui, vous savez, mais ça c'est apparu peut-être il y a les derniers 5 ans. C'est devenu un peu à la mode de se photographier dans cette vieille partie de Boukhara. Parce qu'on a aussi les autres, on peut dire, places. Et on a le palais d'été. Avant, ça se faisait là-bas. Mais là, aujourd'hui, donc, ça se fait dans cette vieille partie parce que vraiment, il y a des belles endroits à faire des belles photos. Quoi, pour les voilà, des photos jeunes. De mariage heureux pour la vie, pour toute la vie. Alors, il y a une statue d'un personnage très populaire. Hein. Le personnage, la statue de ce personnage qui est alors vraiment... C'est pas le président. Hein. Non, c'est pas le président. C'est notre héros qui est très, très connu et qui était connu dans le temps dans les pays musulmans arabes. Chez nous, c'est Nasreddin Khodja. Il est connu comme Nasreddin Khodja. Par exemple, dans les pays arabes, ce personnage connu comme Jarrah. Donc, selon les pays, il échange son nom. Et on disait à propos de lui, le fou qui était sage. Et il y a plein d'histoires, il y a plein d'anecdotes, les contes concernant de ce personnage. Voilà. Et la statue, on a seulement ici, en ville. C'est pour ça, donc tout le monde vient la photographier, et se faire prendre en photo avec, le toucher, et même monter sur l'âne. Parce même que monter. La statue, parce que Nasreddin, il est assis sur son âne. Il n'est pas sur un pur sang, sur un cheval de course, non. Il est sur un âne. Sur un âne, oui. Il a les pieds presque par terre, oui. Il a les babouches, à moitié sorties de... à moitié déchaussée, oui. Et puis toujours, il a l'air bien heureux. Il était malin, très souriant souvent, et on voit que la main sur le cœur, on peut dire, et donc ça c'est le signe du respect quand on se salue, c'est toujours en disant assalamu alaikum, c'est la main droite vers le cœur, ou bien quand on dit merci aussi, c'est le geste aussi, le remerciement, donc c'est avec beaucoup de respect. Ouais, en France, on disait, peut-être le dit-on moins, on disait, quand il fallait tendre la main droite, on disait la belle main. Ici, il y a ça, un peu cette idée, la main droite, c'est la belle main, et la main gauche, moins, non enfin, ou pas. Mais normalement, c'est la main droite. C'est la main droite. C'est la main droite, oui. D'habitude, c'est la main droite. Ouais. Et si je fais bonjour avec la main gauche, c'est pas gênant? Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant, non. Pas du tout. Et alors, et avec sa main gauche? Mais avec sa main gauche, on voit qu'il tient quelque chose, c'est pas OK? Ça fait un peu comme ça, oui. Ça fait un peu comme ça, oui. Simplement, elle tient une monnaie, une petite pièce dans sa main. Parce qu'il y a une histoire concernant donc ce geste. On dit à propos de lui, donc on le compare par exemple avec le Tartare de Tarascon français, avec le Sancho Panza ou Don Quichotte. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et chez nous, c'est Nasreddin Khodja. Ouais, alors aussi, il raconte qu'il a vécu plein d'aventures. Oui, plein d'aventures, plein d'histoires, oui. Il a une bonne tête. Hein. Et il est tellement connu, c'est pour ça que tout le monde, tous les Ouzbeks qui visitent ou le Tadjik ou les habitants du pays qui visitent notre ville, ils ont toujours d'envie de se prendre en photo avec lui, toucher. Et les plus jeunes qu'ils sont capables, donc ils montent sur... C'est pour ça qu'il est... C'est plus brillant. Hein. Brillant, poli, oui. Voilà, poli. C'est ça. Oui. Derrière, parce que, à l'arrière. Parce que la statue, elle est en bronze. Et donc, dans certaines parties de cette statue, elle est polie. Nous allons rendre visite à un marionnettiste tout à fait exceptionnel, mais le marionnettiste est à l'entrée de ce qui est ou de ce qui était le quartier juif. Il y avait ou il y a encore un quartier juif ici? Mais il y a encore le quartier des juifs, parce que dans le temps, c'était une communauté très importante. Et le quartier où se trouve cette magnifique ensemble, la Beer House, tout ce quartier est connu comme quartier des juifs, parce qu'à l'époque, c'était une communauté très importante. À peu près, on comptait 35 000 juifs à Boukhara. Ils habitaient dans certaines maisons ici. Et même dans cette rue, il y a une des deux synagogues anciennes, synagogue qui date du 17e à 18e siècle, voilà, qui fonctionne toujours, qui est toujours en activité. Donc il y a encore aujourd'hui une petite communauté juive. Oui, oui. Mm-hmm. Et même dans la rue, il y a une école juive. Ah oui. Voilà, école secondaire pour les enfants juifs. Comme les maisons donc, de ces familles juives ont été délaissées, elles sont reprises aujourd'hui et certaines transformées en hôtels. La plupart des maisons aujourd'hui, bien sûr, ne sont pas abandonnées parce que certaines maisons, c'était des maisons magnifiques, richement décorées, avec la cour magnifique. Et donc la plupart des maisons s'est transformée aux hôtels. Car toute cette partie se trouve dans la zone, on peut dire, touristique. Donc certains ils étaient reconstruits, on peut restaurer et transformer aux hôtels. Voilà, notamment chez Bibi. Bibi Hanoum. Hanoum. Chez Bibi Hanoum, par exemple. Où je loge et qui est vraiment très agréable, ouais. Avec une très jolie cour intérieure, ouais. Avec terrasse, enfin, ouais. Etc. Donc il y a de très jolis hôtels ici. Et donc ces familles juives sont parties où? Ils sont partis, ils ont commencé à quitter le pays. Mais on les a chassés ou elles sont parties d'elles-mêmes? Non, ils sont partis volontaires vers Israël, États-Unis, Allemagne, par exemple. Voilà, c'est destination générale où ils sont partis, en fait. Et là, donc, je voulais juste dire que cet magnifique ensemble, la Beer House, qui a le grand bassin, qui a deux madrassas. Ouais, voilà. Alors, les madrassas, ce sont des écoles coraniques. C'était des écoles coraniques. Et puis, sur un autre côté, on voit un autre bâtiment qui ne ressemble pas à l'architecture des madrassas classiques de Boukhara, en fait. Voilà, ça, c'était Khonako. Et Khonako, on traduit comme le couvent ou bien le monastère pour les derviches. On avait des derviches, c'était les moines, et c'était des soufis aussi qui prêchaient l'islam, mais c'était la caste inférieure du soufisme qui ne travaillait pas, qui faisait la mendicité. Donc les gens donnaient quelque chose à manger, par exemple, et quand ils venaient dans telle ou telle ville, surtout par exemple à Boukhara, qui était aussi le centre du religion, par exemple, voilà, ils ne pouvaient pas payer leur logement dans les caravanserais, parce que pour eux, ça coûtait quand même cher. Et dans les bâtiments comme Khonako, ils devaient être nourris et logés. Donc ces bâtiments jouaient quelques rôles, c'est-à-dire à l'intérieur, souvent, il y avait des salles pour faire la prière, où les derviches faisaient la prière, mais en sortant à l'extérieur, il y avait d'habitude des cellules à un étage où ils pouvaient être logés et dormir gratuitement. Et ces derviches, comme en Turquie, dansaient, tournaient, on parle des derviches tourneurs, non, ils ne tournaient pas. Non, ce n'était pas les derviches tourneurs, c'était plutôt les derviches qui faisaient la... Derviches sur place, alors. Sur place, prière silencieuse, on peut dire. Prière silencieuse. On voit autour des arbres, des mûriers, parce que pour nous, les arbres, c'est quand même... La verdure, c'est très important. C'est l'ombre. Parce que c'est l'ombre, ça donne de l'ombre, c'est le pays chaud. L'ombre, vous recherchez l'ombre. Hein. On passe l'arbre à l'autre, c'est-à-dire, j'essaie de trouver l'ombre. Et donc, comme arbre, le mûrier, ça pousse très très bien chez nous, parce que c'est un arbre qui est très adapté à notre climat. C'est Mary qui nous ouvre les portes de Boukhara. Mary, notre guide dans cette ville, Boukhara, qui compte 144 monuments protégés par l'UNESCO, témoignant de sa richesse historique et culturelle. Nous ferons également la connaissance de Zozo le marionnettiste. Alors nous, on aime bien s'asseoir parfois en terrasse au soleil. Vous, ça ne vous arrive jamais si... Vous vous installez en terrasse pour boire un verre, vous n'allez mais pas vous mettre au soleil. On peut installer à la terrasse au soleil, c'est peut-être au mois de novembre, décembre. Quand même, on cherche à cette époque-là un peu du soleil, mais le reste du temps, non. Non, vous cherchez l'ombre. Hein. On cherche toujours de l'ombre. Ouais. D'ailleurs, on voit des personnes qui se promènent avec une ombrelle. Les femmes les femmes. Les femmes, dès que le printemps commence, les femmes se protègent parce que quand même le soleil chez nous est très fort. Et après, les femmes, elles n'aiment pas beaucoup bronzer. Voilà, on ne cherche pas à être bronzées ici, non, en Ouzbékistan. Non. Les femmes, elles préfèrent avoir la peau plus claire quand même. Ouais. Le bronzage, c'est juste pour les touristes alors. Ah oui, c'est les touristes qui cherchent du soleil. Et nous, non. Comme on a dit, on est à côté du quartier des Juifs. Donc à Boukhara, on a vu beaucoup de quartiers. Il y avait à peu près 220 quartiers. À 220 quartiers. À peu près 220 quartiers. Et chaque quartier avait le nom, ça dépendait qui habite, qu'est-ce qu'on produit, quel artisan, qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier. Lié aux différents types d'artisanat. Lié aux différents types d'artisanat. Donc le quartier des orfèvres, le quartier des tisserands. Tisserands, enfin. Oui. Et même aujourd'hui, on a gardé les noms des rues et les noms en traduisant, donc ça représente ça. La rue des cordonniers, la rue des tisseurs, etc. Car on avait à peu près 200-220 quartiers. Vous imaginez que presque dans chaque quartier, il y avait la mosquée, la médersa, il y avait le caravansérail, parfois. Parfois, à côté du mosquée, il y avait des minarets pour faire l'appel à la prière. Et il y avait, à côté de ces endroits religieux, quand même, il y avait des bassins. Et donc, jusqu'au début du XXe siècle, à Boukhara, existait à peu près 114 bassins comme celui-ci. Ah, waouh! Donc, les gens utilisaient l'eau pour faire ablution, par exemple, avant d'aller faire la prière. Les gens utilisaient l'eau parfois dans leurs besoins parce qu'on avait, chez nous, existait des mashkobes. Mashkobes, c'était les porteurs d'eau qui remplissaient les outres, qui remplissaient les pots. Et comme ça... Donc, qui passaient après dans les rues. Qui passaient, oui, pour distribuer l'eau, vendre l'eau dans les rues, quoi, voilà. Mais le centre, la vieille ville de Boukhara, ce centre historique de Boukhara est plutôt étendu, enfin... Assez étendu. Ouais. Mais quand même, comme vous voyez, la plupart des monuments, ils se groupaient parce que l'un après l'autre, on les voit, on les visite, donc c'est mélangé. C'est très charmant. C'est très charmant. Donc. Et les constructions sont donc de couleur... Les constructions sont en briques. En briques. En briques cuites. Souvent, sur les portails des mosquées, des médersas, on voit une belle décoration en mosaïque. Parfois, c'est majolique. Et la mosaïque qu'on a commencé à utiliser vers à peu près 13e, 14e siècle. Xorazm.net taqdim etadi. Sevdim deme artık, koy sana inanç yok. İzlerimde yürüme hiç kılma yar bana dok. Asmandaki ayman yetmez çözme bana kol. Aldan iman yalanına var bana uyuyor. La ville de Boukhara avait plusieurs noms. Et un des anciens noms de la ville, c'est Madina ou Toutoujar. Ça veut dire la ville des marchands, la ville des commerçants. Et aujourd'hui, en visitant la ville, en voyant donc les nombres des caravansérails, les nombres des coupoles, les anciennes coupoles marchandes, les marchés couverts, on peut vraiment croire que pendant certaines époques, le commerce marchait très bien. Par exemple, on voit ici un des anciens caravansérails qui est bien, très bien conservé jusqu'à présent, le caravansérail du 19e siècle, Saifidine, porte le nom Saifidine. Donc, on voit bien que c'est la cour classique, donc l'entrée directe, parce que vous imaginez pour un caravan qui est chargé de marchandises, c'était quand même... Rappelez-nous peut-être quelle était la vocation des caravansérails. Caravansérails, c'était une espèce des hôtels où pouvaient dormir les commerçants, en plus où tous ces commerçants, parfois s'il y avait des entrepôts en bas, pouvaient stocker les marchandises. Donc il y en avait beaucoup ici, des caravansérails. Il y en avait beaucoup. Oui, beaucoup. Il y a aujourd'hui qui ne se sont pas conservés, mais il y en a encore beaucoup qu'on voit des caravansérails essentiels. Ce sont les bâtiments des 18e, 19e, début du 20e siècle. Donc beaucoup de caravansérails. Beaucoup de madrassas, beaucoup d'écoles coraniques. Beaucoup de mosquées, beaucoup de beaucoup madrassas. Beaucoup de mosquées, ouais. Donc qui ont été transformées, qui ont de nouvelles vies aujourd'hui, je suppose, enfin parfois restaurants ou cafés. Parfois, quelques centres artisanaux, comme par exemple celui-ci, comme on voit bien, il y a les femmes qui tissent les tapis, il y a donc des tisseurs, des miniaturistes, etc. Donc ça, c'est ce caravansérail s'est transformé en un centre artisanal parce que l'artisanat chez nous quand même, et depuis l'indépendance, surtout, il est très très développé. Donc aujourd'hui, on fait une grande attention à développer et garder notre richesse, notre histoire. Mehreli. Nous entrons dans un atelier de marionnettes ici à Boukhara. Il y a la tradition de la fabrication, alors à Riva, Kiva, nous en avons vu aussi, oui. Mais c'est partout en Ouzbékistan où il y a vraiment une région précise pour la fabrication des marionnettes. Oui, c'était développé. Dans tout le pays ou dans tout le pays. Ah, dans tout le pays. Dans tout le pays. Existait à l'époque 9 théâtres de marionnettes dans le pays, en fait. Ah, dans le pays. Dans le royaume. Dans le royaume. À l'époque, donc, c'était royaume, en fait. Ah. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on perpétue cette tradition et les touristes. Mais cette tradition, c'est un peu perdue. Un peu perdu, oui. Voilà, Boukhara, c'est le seul atelier de marionnettes. Et y a-t-il encore un théâtre de marionnettes ici? Il y avait un petit théâtre à côté, mais qui était dans la partie neuf maintenant. Il y en a un deuxième théâtre, c'est un théâtre privé pour les touristes. Mais que racontent les spectacles de marionnettes? Est-ce que tous les spectacles racontent un peu la même histoire? Il y a des personnages qu'on retrouve. Là, je vois par exemple Guignol, mais c'est notre Guignol qu'on c'est connaît, Guignol le Guignol de, France, de oui. Lyon, hein, oui, qui oui. est né à Lyon, Guignol, hein, avec Niafron, etc. Mais on retrouve ces personnages ici? Parce qu'en fait, l'artiste qui a créé cet atelier de marionnettes, il a voyagé beaucoup pour faire exposition. Donc vous allez voir, il y a des expositions en France. Il a fait à Charleville-Mézières, par exemple, ah oui, à Bruxelles, etc. Alors Charleville-Mézières, c'est la ville en France des marionnettes, avec le Festival mondial de la marionnette. Et donc, de certaines régions, il a amené un peu les personnages. C'est pour ça qu'il y a Guignol qui est là. Parce que c'est surprenant quand même de tomber, d'être face à face avec Guignol ici à Boukhara. Ce sont les personnages connus de chez nous. Palvan Kachal, Guignol Uzbek, Bichichanon, Madelon, Niafron. Et alors, et les spectacles racontent quoi? On a un personnage comique, c'est comme Tartarin de Tarascon Ouzbek, c'est Nasreddin Khodja. C'est le personnage comique qui était connu dans les pays musulmans arabes. Et chez nous, c'est Nasreddin Khodja ou Khodja Nasreddin. On raconte un peu ces histoires un peu bêtes, mais qui ont de l'humour et de sagesse parfois. Voilà, parfois, on critique donc des émirs, des personnes qui étaient riches mais qui étaient avares, qui ne voulaient pas aider aux gens pauvres, par exemple, voilà. Donc, dans l'histoire, les spectacles de marionnettes étaient un moyen d'être un peu satirique, une satire de la société, de critiquer des personnalités comme ça passait plus facilement à travers un spectacle de marionnettes. Oui, c'était plus facile de s'exprimer comme ça, peut-être. Oui, oui, c'était plus facile. Oui. Et le travail, donc comment s'appelle-t-il? Zozo. Ah, Zozo. Ah oui, Zozo, j'ai lu dans le guide sur vous. Zozo, oui. C'est vous, Zozo? Bon, ça, c'est facile à retenir, hein, Zozo. Donc, le travail dans la réalisation de ces marionnettes, combien de temps ça prend, enfin, etc., c'est en papier mâché? Papier mâché, oui. Est-ce que vous avez animaux? 7 jours, une marionnette, 7 jours. Parce que les marionnettes qu'on fabrique ici, ce ne sont pas les mêmes marionnettes qu'on voit un peu en dehors de Boukhara. Voilà, parce qu'il y en a partout. Hein, c'est autre chose, ce sont les marionnettes, vous allez voir, de bonne qualité. Mais 7 jours, il veut dire 7 jours à partir quand la forme en plâtre est prête. Après, c'est 7 jours. Sinon, ça peut être 10 jours au plus. Les poupées de collection, par exemple, ils se font pendant 2-3 mois. 2-3 mois. Oui. Les moules, les plâtres, oui. Start 7 jours. Oui. Dessiner, après la tête en pâte à modeler. Après l'huile, le moule de côté, plâtre. Après la colle. La colle, la farine avec de l'eau. Mélanger, petit morceau papier, 10-12 couches. 10-12 couches de papier, puisque c'est en papier mâché. Hein. 6 couches, 7 couches, 10-12, très solide. Comme ça. Après, on coupait, on collait de côté, fixer un bâton. Encore 2 couches papier collées. Après, on ponce. Après, peinture à l'eau, 2-3 couches. Sèche. Donc blanc, là. Peinture à l'eau. Après, 2 couches peinture à l'huile. Et après, visage, maquillage. Voilà. Et après, costume. Costume, travail à la maison, les femmes, les filles, travail à la maison, les mains, les costumes, la robe, les chapeaux. Alors, les filles, c'est la famille? 3 familles travaillent. 17 personnes travaillent. Regardez qui, par hasard, avec le touriste, avec le marionnette, par hasard ici. Son sosie. Alors, c'est rigolo. Ouais. Ce sont des photos, effectivement, alors, que nous montre Zozo. des photos des touristes qui ressemblent aux marionnettes. Hein. Alors, on n'a pas fait spécialement la marionnette pour ressembler aux touristes, mais il y a des touristes qui ressemblent. Donc, certains touristes ont leurs marionnettes. Alors, ils l'ont acheté, non ? Oui, ils l'ont acheté, là. C'est la parisienne, espagnole. Je ne sais pas si ça fait plaisir d'avoir une marionnette à une femme, d'avoir une marionnette qui lui ressemble. Traditionnel, manipulé comme guignol, trois doigts. Pour les professionnels, ici, petite changée, ici, deux doigts. Le pouce, l'index dans le carton. Deux mains, une marionnette manipulée. Regardez ici, plus facile. Avec les petites musiques. Alors ça, c'est une façon de danser typiquement ouzbek. Hein, avec le mouvement de... Oui, la gorge, la tête, les bras, oui. Vous savez le faire ? Pas très bien. Okay. Je voulais ajouter que comment on trouve les personnages ? On va au salon du thé, on va au marché, on trouve dans les rues. Et quand l'artiste, il trouve un visage intéressant, il fait un revenant, il fait un croquis. Voilà. Ensuite, on fait avec la pâte à modeler, on fait la tête. Ensuite, c'est le moule en plâtre seulement. Voilà. Et car ce sont les personnages du peuple, c'est pour ça les gens qui visitent cet atelier, les gens locaux, les Ouzbeks, Tadjiks ou les Russes, ils disent « Ah tiens, elle ressemble à ma mère, lui ressemble à mon père ou à mon voisin, etc. » Et même parmi les touristes, il y a par hasard des ressemblances. Donc on trouve par hasard le sosie, c'est par hasard. Oui, là c'est par hasard. Voilà. Et alors pourquoi, je me suis posé la question, parce que les marionnettes sont toujours présentées souvent par deux dans un petit sac. Mais par couple. Par couple. Par couple ou parfois c'est par trois. Ça peut être papy, mamie et une petite fille par exemple. Dans ce petit sac. Mais parce que pour décorer à la maison, accrocher, c'est intéressant aussi. Ouais. Oui. On peut faire le spectacle parce qu'on peut le manipuler comme vous avez vu. Mais sinon, donc, comme décoration, on peut les accrocher aussi. Et là, donc, il y a des personnages connus parce que la conte orientale, beaucoup de gens dans le monde entier connaissent très bien, c'est Ali Baba et 40 voleurs, par exemple. Oui. Donc, les marionnettes d'Ali Baba, les 40 voleurs. Oui, oui. Ça, c'est l'émir et sa cour. Alors, on ouvre le rideau et le décor apparaît. L'émir est sur son trône. L'émir est sur son trône avec son grand turban sur la tête, avec son beau costume richement décoré. C'est la broderie au fil d'or, donc on peut la voir aussi. Et derrière, donc, c'est sa femme avec ses trois filles. Et puis, vous avez donc un personnage comme Nasreddin. Ça, c'est le fameux Tartarin. Oui, oui, voilà. Après, donc, ces personnages qui ressemblent beaucoup à Albert Einstein. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais. Oui, il faut dire que l'émir, il est bien nourri parce qu'il a vraiment, il est joufflu. Hein. Ah oui, joues. Hein. Oui, parce que bon, peut-être elle ne bougeait pas beaucoup, mangeait beaucoup, mais ne bougeait pas beaucoup. Donc. Aussi, on peut ajouter les derviches parce qu'on avait les derviches, c'était des soufis aussi qui prêchaient un peu l'islam, qui déplaçaient d'une ville à l'autre, etc. Donc, ils ont fait exactement la copie avec le même costume, son chapeau un peu conique, en forme conique, et puis les objets qu'elle avait sur eux, d'habitude. Avec des traits du visage parfois très accentués. Bon, les grosses joues, on a dit, des joues qui tombent, des bas-joues. Mais peut-être les joues qui tombent, ils ont fait en présentant les personnes âgées. Oui, parce que jeunes... Parce que quand on est vieux, on a les joues qui tombent. Oui, peut-être. Ouais. C'est vraiment magnifique. Hein. Ah oui, parce que ce qu'on produit ici, on trouve seulement dans cet atelier. Chez Zozo. Chez Zozo, exactement. Suivez le guide, Thierry Georges. Suite de ce Suivez le guide, en Ouzbékistan, nous sommes en compagnie de Soukrob Bobokalonov, qui vous organise des séjours en Ouzbékistan avec son agence Authentic Ouzbek Travel pour vous emmener sur la route de la soie. Soukrob, nous nous retrouvons dans l'un des endroits les plus agréables de Boukhara, ici. Au bord d'un bassin, nous sommes dans la vieille ville de Boukhara. Autour du bassin, il y a des terrasses. D'ailleurs, on s'est installé à une terrasse. Restaurant, et puis la vieille ville avec d'autres très bons restaurants. Enfin, c'est vraiment un endroit très très charmant ici à Boukhara. Et on va se rendre compte très vite, dès que vous aurez parlé, que vous parlez très bien français. Vous êtes issu d'une famille francophile. Enfin, on parle français depuis plusieurs générations, en tout cas au moins depuis votre père chez vous. Oui, on se trouve ici en plein cœur historique de Boukhara. C'est le cœur historique de ce sens-là que toute la population de Boukhara, confondue de plusieurs couches, disons, sociales et même ethniques, culturelles, se retrouvait toujours ici, au moins depuis le XVIe siècle. Parce qu'on est en plein cœur historique de Boukhara, entouré des monuments historiques de cette époque-là, et non seulement des monuments historiques, mais aussi des quartiers de plusieurs ethnies. Juste derrière nous, c'est le quartier juif. Ouais, quartier juif encore avec une synagogue en activité d'ailleurs. Juste après ce quartier, il y a un quartier des Tatars. Vers la direction de l'Est, nous avons quartier des Turkmènes. Et après, tout le reste de Boukhara était confondu dans la vieille ville ouzbek-tadjik, des ethnies ouzbek et tadjik. Ils sont toujours marqués quand même ces quartiers. Alors, sans doute un peu moins, mais... C'est beaucoup moins maintenant, mais au Moyen-Âge, c'était marqué. À l'ère soviétique, il y avait des Russes, des Ukrainiens, des Tatars, des Kazakhs qui sont venus pour s'installer dans la ville moderne. Et la population était beaucoup mélangée. Et aussi culturellement, on ne peut pas différencier ces ethnies. Ils sont culturellement la même chose. Il n'y a aucun problème déjà interethnique. Ni interreligieux. Ni interreligieux. Et surtout, il y a même des assimilations, des mariages. Et du coup, alors, des métissages. Bah, les métissages, ça donne souvent de très beaux hommes et de très belles femmes. Je suis d'accord. Et aussi parce que l'Ouzbékistan, depuis 3000 ans, son histoire était un carrefour des civilisations sur la route de la soie. Et il y avait toutes les ethnies, toutes les races, si on peut dire, même si c'est politiquement incorrect, étaient mélangées ici. Au cœur de l'Eurasie, quoi. Donc il n'existe pas. Alors la population en Ouzbékistan est essentiellement musulmane. Hein. Les Ouzbeks sont des musulmans comme les Français sont chrétiens. Oui. On va dire les Ouzbeks, ils croient en Dieu, mais seulement 1,5% de la population sont pratiquants. Ça c'est vraiment, on va dire très peu. Mais est-ce lié aussi à cette période soviétique? Pas forcément, parce que c'est une philosophie qui était élaborée ou bien établie depuis des siècles. C'est une philosophie de soufisme qui est vraiment très, sociale, on peut dire, parce que chez les Ouzbeks il y a un dicton qui dit Dieu n'est pas dans les mosquées, mais dans le cœur, dans nos cœurs. Et par exemple, mon grand-père, qui était un mollah dans son quartier, à l'ère soviétique encore, parce que j'ai vécu quand même un petit peu l'ère soviétique, un mot là-dessus. Il disait, Dieu n'est pas dans la mosquée où tu vas prier, mais c'est dans tout ce que tu fais du bon, quoi. On peut faire la prière 5 fois par jour, aller dans les mosquées comme des fanatiques et faire du mal à notre entourage. C'est pas être religieux ou c'est pas être croyant. Et donc, c'est pas considéré non plus comme musulman. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement ou d'acte ou de anti-islam ou antisémite ou anti-chrétien. En Ouzbékistan, chez la population, il n'y a aucun problème entre interreligieux, ni d'antisémitisme, ni anti-chrétienisme, ni anti-musulman. Mais plutôt, nous, on est menacés parce qu'on se trouve comme voisins de l'Afghanistan. Ouais. Et c'est à 300 km de Boukhara, par exemple. Au sud, hein, effectivement. Voilà, au sud. Et c'est ça qui nous menace un peu parce que en Afghanistan, vous savez qu'est-ce qui se passe depuis une quarantaine d'années, quoi. Donc, heureusement, grâce à la politique de gouvernement, l'Ouzbékistan, je peux vous dire, parce que j'ai voyagé non seulement dans les pays autour, mais un peu dans le monde, l'Ouzbékistan, parmi les pays d'ex-Union soviétique, c'est le pays, on va dire, le plus sûr, au moins en Asie centrale. J'ai été au Kazakhstan en hiver. Pour aller chercher un minibus de Chine pour mon agence, il y avait des problèmes interethniques en Kazakhstan. Bien sûr que c'était pas, ils n'ont pas fait un drame de cela, mais on sent qu'il y a une menace. Et par exemple, dans les pays autour, se trouver en pleine rue à minuit ou à 2h du matin, promener. Parfois, il vaut mieux éviter. Là. Voilà. Ici, mais en Ouzbékistan, il n'y a aucun problème. Surtout, on peut le voir dans les écrits des touristes, des voyageurs qui viennent. Ils disent l'Ouzbékistan, c'est au-delà de ce qu'on s'attendait, parce que c'est un pays sûr, c'est un pays propre, c'est un pays avec la population chaleureuse. accueillant. Donc ça veut dire que la preuve est là. Ce qui frappe aussi, quand on arrive dès les premières heures, le touriste se dit « Mais qu'est-ce que c'est propre ici ?» C'est un peu la Suisse, alors la Suisse d'Asie centrale. Alors, je ne sais pas. Sans être chauvin, on va dire, moi j'aime beaucoup mon pays. Donc, moi j'ai fait des études en France, à Paris. J'avais l'opportunité de rester en France, de travailler là-bas comme pas mal de jeunes de l'intelligentsia qui fait ça très souvent. Mais j'aime tellement mon pays que je voulais revenir chez moi, faire quelque chose. Donc, alors là, j'ai une petite agence. L'agence marche, on va dire, très bien parce que... L'agence de voyage. Voilà, on est une famille francophone, comme vous avez évoqué. Alors, et le côté francophone alors, de la famille. Alors, pourquoi francophone? Parce que mon père avait choisi, à l'époque soviétique, le droit. Mais il n'a pas pu avoir l'accès parce que sa mère et son père, ses parents, étaient vraiment très, très contre... Parce que son grand-père était déporté par Staline. Alors la chose de la politique, dans la famille, dans notre famille, on méfiait de la chose de politique. Et alors, il a vu, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il a dit, Molière, Balzac, alors Victor Hugo, il dit, moi je vais choisir le français. Donc, il a choisi le français, moi et mes frères, mes petits frères dans la famille, même ma mère qui est légèrement francophone, on était éduqués avec cette grande culture de la grande littérature. Donc, dès l'enfant, on était des connaisseurs de la littérature française. Ouais. Donc, vous avez lu Oui, par exemple, Comte de Monte Cristo, de Dumas, de Bellamy et Chartreuse de Parme, de Maupassant, Le Rouge et le Noir, tout. Stendhal, alors, oui. On avait déjà les grands appris romans par cœur de la littérature du 19e. Et, Du romantisme, quoi. Oui. Et ça, c'était notre hobby, si on peut dire, nos loisirs, de lire plusieurs fois même. On n'avait jamais marre, quoi, de relire. Oui. Donc, c'est ça qui nous a conduit après, moi d'abord, à choisir le français aussi. J'avais choisi toujours le droit international dans l'université de diplomatie à Tashkent. Mais toujours ma grand-mère, qui est morte très vieille, elle était contre, elle s'opposait. Et dans la famille ouzbek, la vie des parents et surtout des grands-parents, il faut les prendre en compte, il faut respecter. Alors je me suis dit, eh ben, comme papa, pourquoi pas, je vais choisir le français. Alors j'ai réussi, j'étais le premier classé parmi les 10. 2 ans après, j'étais déjà le premier en Ouzbékistan parce que l'ambassade de France en Ouzbékistan organise des bourses, chaque année des concours de francophonie. Ah oui. J'étais champion en Ouzbékistan. Carrément. À 20 ans. Est-ce que ça vous donne une bourse ou quelque chose? Non, ce n'était pas une bourse, mais c'était un séjour en France. Deux semaines. C'était à Bourges et à Paris. Printemps de Bourges. Ah, pour aller au concert. Donc, voilà. Printemps de Bourges. Un jeune ouzbek villageois, juste sorti, on va dire, de son village, qui n'est presque jamais allé à Tashkent, 2-3 fois seulement. Il se retrouve à Paris, puis à Bourges. Ouais. Dans l'ambiance du printemps de Bourges, tiens. Voilà. Et c'est ça qui m'a complètement changé, parce que on n'a jamais demandé à nos petits frères de choisir telle ou telle faculté, mais ils ont choisi pour aller en France. Ouais. Ils ont choisi le français, parce qu'ils ont vu que leur grand frère, et voilà, il a réussi. A ouvert la voie. Voilà, il a réussi. Et parce qu'à l'époque soviétique, d'aller en France, c'était non seulement un rêve, mais c'était un... Comment dire? S'approcher d'un français, c'était un cauchemar déjà. C'était un rêve, mais si on s'approchait, il y avait le KGB omniprésent qui posait beaucoup de problèmes et qui venait même de Moscou pour suivre le groupe des voyageurs. Maintenant, la différence est énorme. La différence, c'est que maintenant, les Français, les voyageurs, quels qu'ils soient de nationalité, ils peuvent aller dans les villages éloignés d'Ouzbékistan. Et c'est le gouvernement qui ouvre les possibilités alors de s'enregistrer comme des entrepreneurs aux familles des villages éloignés pour leur donner du travail, pour montrer c'est quoi la vraie vie et famille ouzbek. Donc il y en a maintenant, je ne sais pas, des milliers de petites agences qui s'ouvrent chaque année dans tout l'Ouzbékistan. Qoldan keladir nakü karlik bi Har neki ektin şunu orgeysin Ekkil sara uruş yavrlik bi Suivez le guide à Boukhara en Ouzbékistan. Nous évoquons la vie dans ce pays d'Asie centrale avec Soukrob Bobokalonov, francophile qui a ouvert une agence de voyage authentique Ouzbek Travel. Suivez le guide, Thierry Georges. Si du temps de l'époque soviétique, on s'était assis, je ne sais pas s'il y avait des terrasses ici, si on s'était assis là comme ça en terrasse pour boire une bière, partager une bière avec un magnétophone et des micros, on aurait pu parler combien de temps, vous pensez ? Ça, alors je ne peux pas vous dire, mais ça ne durait pas de 5 minutes. Quoi. Pas 5 minutes. On ne pouvait même pas imaginer. On n'aurait pas le courage de le faire. Ouais. On n'aurait pas le courage. Et aujourd'hui, bon, bah, personne aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, le problème, c'est que les gens, ils sont restés encore avec la mentalité de l'ère soviétique. C'est eux qui sont craintifs un peu. Ils disent, ah, il ne faut pas faire ça. Mais moi, je connais, je n'ai jamais eu de problème. J'ai donné des interviews des milliers de fois. Mais il n'y a jamais, jamais quelqu'un m'a appelé pour dire de quoi il s'agissait, qu'est-ce que tu as fait. Vous n'êtes pas sous surveillance. Non, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas fiché. Je ne savais même pas qu'il s'agissait de, oui, c'est vrai. De l'interview, par exemple. Et vous n'avez pas hésité avant de dire, bah, allons-y. Ah non, non, pas du tout. Par exemple, la différence de la politique de l'URSS et de l'Ouzbékistan actuel. L'Ouzbékistan actuel veut s'ouvrir au monde. Mais il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est doublement enclavé. C'est peut-être c'est le seul pays au monde qui est doublement enclavé. Oui. On dit avec Liechtenstein. Oui. Mais Liechtenstein en Europe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frontière déjà. Bon, puis non, on met 5 minutes pour traverser Liechtenstein. Voilà, voilà. Et en si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte, on l'a traversé. Et l'Ouzbékistan, c'est non seulement un pays doublement enclavé, mais c'est un pays aussi doublement enclavé, on va dire, des pays autour non démocratiques. Les efforts que nous faisons pour faire l'Ouzbékistan un pays ouvert, un pays démocratique, assurer la paix, la stabilité entre les ethnies, entre les confessions, ça c'est un travail énorme. Le peuple ouzbek, on l'apprécie parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, au moins autour de nous. Alors on va choisir un pays démocratique autour de nous, pour le suivre au moins, parce que l'Europe est loin. La Russie, la Chine, avec le Tibet par exemple, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde encore un peu loin, l'Iran. Donc vous voyez, c'est pas évident. une île qui est barriérée, on va dire, des pays qui ont que des problèmes. Heureusement, grâce à la politique de gouvernement, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour ouvrir l'esprit, la mentalité de nos jeunes, de la jeunesse, parce que l'Ouzbékistan a 50% jeunes jusqu'à 25 ans. Cela veut dire que dans l'avenir, on a vraiment besoin des gens qui soient vraiment aux standards occidentaux. Votre domaine d'étude à vous, c'est pas le tourisme hein ? Non, c'est pas le tourisme, mais étant étudiant, j'avais fait en parallèle un master de la littérature francophone et après je me suis rentré au doctorat de la littérature comparée persane et ouzbek. J'ai soutenu la thèse en 2012. Juste avant, j'avais pris un congé académique au cours de mon doctorat et j'ai fait un master de diplomatie à Paris 11. C'est parce qu'il y avait des relations interuniversitaires avec notre université. Les professeurs qui étaient envoyés pour choisir des étudiants, ils ont choisi deux étudiants. Dont vous. Voilà, dont moi. Et on avait fait, tous les deux, avec un autre étudiant, ce master. le rêve était en train de se réaliser. J'avais 24 ans, ça me sert tous les jours et ça m'a servi énormément dans ma vie. D'abord, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. D'abord aussi pour comprendre c'est quoi la politique intérieure, c'est quoi la politique extérieure, comment doit être l'Ouzbékistan. Et c'est comme ça que je peux apprécier, parce que un guide simple qui accompagne des groupes tous les jours, tous les jours, tous les jours, ne peut pas avoir un esprit ouvert, un esprit critique sur le gouvernement s'il n'a jamais bouquiné là-dessus. Il sera toujours quelqu'un pour répéter l'avis des autres, parce que le touriste qui vient, il va dire c'est quoi votre régime assez autoritaire, depuis combien de temps votre président est là, etc., etc. Indéboulonnable, voilà, etc. Oui, pour un occidental, c'est... Donc normalement qu'il ne peut pas pouvoir être réélu, mais qu'il est encore réélu, enfin, etc. Voilà. Complète, donc, et avec un régime qui n'a pas favorisé l'émergence d'une opposition. Donc, je crois que l'opposant premier est en exil et il n'y a pas vraiment d'opposition alors, aujourd'hui. Alors, je vous donne mon point de vue personnel. Cet opposant, imaginez que Dieudonné, par exemple, il est un opposant de gouvernement. L'opposant premier qui est en Turquie, c'est un religieux fanatique. Alors, voulez-vous avoir un religieux fanatique comme opposant parce qu'il veut être président, parce qu'il est l'opposition, etc. Ça menace énormément la stabilité dans le pays. Il y a un autre opposant aussi, c'est le mouvement islamique d'Ouzbékistan qui voulait faire de l'Ouzbékistan le califat religieux machin, classé dans la liste noire du monde parce qu'ils sont avec Al-Qaïda, ils sont avec les talibans, ils sont en Afghanistan, ils sont en Syrie en ce moment. Donc ça, c'est eux aussi, c'est des opposants. Mais vous savez, depuis l'ère soviétique, le peuple voit tous les jours changer sa vie, son mode de vie. Alors, je vous donne quelques exemples. L'Ouzbékistan, actuellement, c'est 7e producteur du gaz dans le monde. C'est un pays très riche, hein, l'Ouzbékistan. On exportait le gaz à l'ère soviétique jusqu'à l'Allemagne de l'Est. Mais notre village, qui se trouve à 20 km d'ici, était gazifié seulement après l'indépendance. Notre village, qui buvait de l'eau des canaux d'irrigation bourrés avec des pesticides, a eu l'eau potable à l'ère de l'indépendance. Donc la mortalité des hommes, des enfants, tout ça, si on voit maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'améliorations. Mine de rien, du temps de l'ère soviétique, on était loin de Moscou hein, quand même. On était loin de Moscou, mais surtout on était tellement exploité que, par exemple, imaginez, vous achetez quelques dizaines de milliers de briques pour faire une maison, c'était pas possible. Vous avez dans les caisses de banque, vous avez des centaines de milliers d'euros, de roubles, pardon, mais vous pouvez pas les utiliser. Vous voulez acheter une voiture, le lendemain, les gens qui viennent, comment tu fais ? Ça, c'était l'époque soviétique. Et maintenant, l'entrepreneuriat, tout ça, parce que je suis l'entrepreneur, on va dire. Oui, c'est ça. Et sans corruption. Il n'y a aucun problème. Corruption, il y en a, on va dire la vérité. La corruption existe dans le monde entier. Oui, bien sûr. Il y a des mesures seulement. Mais l'Ouzbékistan, on va dire, c'est le pays encore le moins corrompu dans la région, au moins. Je ne sais pas, je ne connais pas les pays baltes, mais à part les pays baltes, c'est le pays le moins corrompu dans l'ex-Union soviétique, parce que les pays baltes, c'est dans l'Union européenne. Si on est corrompu, on ne peut pas être européen, on le sait. Mais je connais la Russie, je connais le Kazakhstan. Par exemple, on traverse la frontière kazakh et tous les douaniers, ils vous demandent ouvertement de... Là, Soukrob, de l'autre main, celle qui ne tient pas le micro, fait signe de payer à la frontière. Bakchiche. Ça, c'est la corruption. Par exemple, les grosses entreprises ne sont pas dans les mains du président ou de proches, disons, du président ou des filles du président. C'est fini tout ça. Je crois que d'ailleurs, sa fille aînée est un peu en état de disgrâce, non ? Je comprends pas. N'était-elle pas pressentie pour prendre la succession? Alors, on n'avait jamais pensé et on n'avait jamais su. Et oui. elle a jamais dit qu'elle va prendre la succession. Ni publiquement, ni, vous voyez, oui. On parle à la presse. Donc, il n'a jamais dit ça. Et après, l'Ouzbékistan, on ne peut pas imaginer avec un président femme. Donc, c'est un pays aussi patriarcal pas pour le moment, en tout cas. Aussi patriarcal que la France. On va attendre que ça arrive en France, alors, avant, peut-être. Oui, si la France prétend pour être le drapeau, pour porter l'étendard de... Parce qu'à notre avis, c'est la France qui est le pays le plus démocratique au monde. À notre avis, parce que... Bon, à part la France et l'Allemagne, on va dire, et encore maintenant, avec la presse, la population sait beaucoup de choses et qu'on se doute, c'est quoi la démocratie de l'Europe? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a vraiment la démocratie en Europe ou bien c'est que du blabla? Peut-être en Suisse, peut-être pas. Vous voyez, dans les pays qui suivent souvent les États-Unis maintenant, on craint un peu. Est-ce que c'est vraiment, ils sont démocratiques ou pas? Dans les choses qui surprennent, c'est que... ce pays qui a été quand même, donc, qui a fait partie de l'Union soviétique pendant 70 ans, aujourd'hui est un pays dans lequel 85% des conducteurs roulent en voiture américaine, en Chevrolet. Alors, c'est General Motors. Hein, c'est General Motors. Oui, parce que c'était à l'origine, en 96, il y avait une usine coréenne, Daewoo, qui était installée en Ouzbékistan, avec une usine. Tout marchait très bien, comme en Ouzbékistan. Tout marche très bien toujours. Non seulement la population, mais aussi les entreprises s'enrichissaient bien. Mais avec seulement l'usine en Ouzbékistan, cette usine n'a pas tenu au niveau mondial. Parce que Daewoo, c'est quand même une marque coréenne assez célèbre, c'était donc. Bon, enfin, le retrait de Daewoo, c'est arrivé en France aussi, hein, cela dit. Et après, finalement, ils ont ouvert leur boîte et c'est General Motors qui l'a acheté. Et finalement, ils ont vu qu'en Ouzbékistan, ça marche très bien. Donc ils ont pratiquement tout le marché aujourd'hui. Voilà, tous les modèles des voitures. Il y a toute la gamme. Autrefois, c'était avec le signe de Daewoo. Maintenant, c'est avec Chevrolet. Mais la moitié des voitures, c'est des voitures Daewoo avec le croix Chevrolet. Mais la moitié, c'est des voitures américaines maintenant. Bon, c'est vrai que c'est un peu rigolo quand même, non? En tout cas, c'est mieux que les Lada et les Volga et les... Moscovite, machin. Donc, il y en a encore hein, qui roulent. C'est des voitures qui sont increvables. C'est bien adapté à la région. Tout va bien. Et Soukrop, vous êtes amoureux de... Alors, Boukhara, c'est votre ville, hein, oui. Bien sûr. Mais de tout le pays, vous êtes un amoureux de tout le pays. Même des régions qui ont souffert, d'ailleurs, de l'époque soviétique. C'est quand même une catastrophe hein, du côté de la mer d'Aral. La mer d'Aral, c'est encore un autre sujet. Oui, je suis amoureux de mon pays parce que... Il y a beaucoup de choses qui sont dans ma vie que je ne peux pas imaginer la vie sans. Avant tout, c'est la sincérité, c'est l'accueil chaleureux ouzbek. J'ai jamais pu trouver ça ailleurs. Après, c'est les repas que j'aime. Après, c'est l'air que j'aime. C'est un air sec, bienfaisant. Oui, il fait très chaud, il fait très froid. Mais si on trouve un bon moment dans la journée... Il fait comme dans le paradis. Et c'est la fin de ce Suivez le Guide en Ouzbékistan. Un grand merci à Mary, notre guide. Merci également à Zozo, le marionnettiste. Un grand merci à Soukrob Bobokalonov, ouzbek francophile. Merci Cathy, représentante française d'Authentic Travel, pour le contact. Un grand merci aussi à Camila de l'agence Adventure pour l'organisation du voyage et à l'ambassade d'Ouzbékistan à Paris. Rarmat, merci à Janine Ortiz pour sa précieuse collaboration. Réalisation, Roman Feocchio. Les sites internet adventure.com et ouzbektravel.fr. Un guide conseillé, le petit futé Ouzbékistan. S'il vous plaît, chapeau, chamou, drapeau, cadeau, métro, boulot, dodo, carte postale, timbre. نکرده من تیره بور بی سر بور بی نسمان سر.